les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un tour de France, à pied, à vélo si vous voulez. L'essentiel est de se rendre joyeux par les chemins endiablés ou presque dans les théâtres et autres lieux de réjouissance musicale où l'opérette a enchanté ou amusé celles et ceux qui, endiablés, joyeux, enchantés, etc. etc. Bref, le sujet c'est la gaieté de l'opérette. L'opérette c'est la fête, par Jacques Rouchouze. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la et tout, la la la la la la et tout, la la la la la la et tout, la la la la la la et tout, la la la la. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la la la la la la la la la la la la la. Après Reims et le Champagne, la griserie de l'opérette continue avec le Bordeaux. En arrivant au Grand Théâtre de Bordeaux, le fameux et magnifique Théâtre de Louis, nous avons surpris une matinée scolaire, un spectacle sur messager, animé par Christian Haas, que nous verrons demain, et présenté par le directeur du théâtre, Gérard Boireau. Ça y est, on se tait. On se tait. Bon, alors bonjour à tous. Vous savez que vous avez assisté à un spectacle qui s'appelle « Si messager m'était compté ». Vous allez écouter un petit peu ce qu'a été la vie de messager, qui était un grand compositeur français d'opérette, et vous allez ainsi écouter comment il a pensé à écrire ses opérettes, et vous allez écouter les principaux airs de toutes ces opérettes célèbres, qui sont toujours jouées, bien sûr, dans nos théâtres. Je vous souhaite un très bon moment. Vous savez, comme d'habitude, on fait silence pendant tout le spectacle. Et bien sûr, on applaudit très fort les acteurs quand ils ont chanté leurs airs. Bon moment. Gérard Boireau, voilà. Je suis particulièrement heureux et presque ému de vous rencontrer. Parce que je vais vous dire un souvenir personnel, si vous permettez. Et ça, je ne le fais jamais. La première fois que j'ai vu un spectacle lyrique, dans ma vie, c'était en 57 ou 58, et c'était dans la banlieue lyonnaise, à Pierre-Bénite, une petite commune dans la banlieue sud, et c'était Valse de Vienne, avec Gérard Boireau, qui était une vedette invitée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes ces choses, de ce moment-là de votre carrière, et moi, c'est comme ça, c'est grâce à vous que j'ai découvert l'art lyrique. Mais c'est très émouvant, ce que vous me dites là. C'est très émouvant, parce que, effectivement, je me souviens de ces représentations. Et parce qu'à un moment de ma carrière, j'ai été assez souvent joué à Lyon et dans les environs de Lyon. Voilà. J'aimais beaucoup le public lyonnais qui a, je crois, une certaine ressemblance avec le public bordelais. Je suis bordelais. Et vous savez qu'il y a à Lyon une espèce de retenue avant que l'amitié se donne, à laquelle j'étais très sensible parce qu'ensuite, quand cette amitié était donnée, elle était vraiment très, très, très sincère. Alors, vous me rappelez une chose dont je garde moi-même un très heureux souvenir. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cette période de votre vie, votre époque artiste lyrique ? Je suis bordelais, je suis sorti du Grand Théâtre de Bordeaux avec toute une équipe d'amis, je crois que vous avez retrouvé leur piste, et toute une promotion, là. Et au départ, je ne me destinais pas particulièrement à l'opérette, parce que le premier rôle important que l'on m'a confié au Grand Théâtre, quand je suis sorti du conservatoire, ma première année, mais puis, vous savez, quand on sort du conservatoire, on ne doute de rien, j'avais pris ça, mais d'une manière tout à fait décontractée, c'était dans Boris Godounov, Chouïski. Et puis ça avait très très bien marché. Il y en a qui le font en fin de carrière. Oui, c'est ça, moi je l'ai fait à mes débuts. Mais c'est très curieux, pendant ma première année au théâtre, comme je ne sais plus quel est le premier rôle qu'on m'avait confié, qui était une sorte de rôle à composer, alors je m'étais mis des tas de choses sur la figure, ça faisait des barbes, et puis j'adorais ça. Et je crois que dans toute une année, on n'a pas vu mon vrai visage. Alors dans Chouïski, vous dites, mais je faisais un visage monstrueux. Puis comme ça avait bien collé, et il y avait une distribution de gens de l'opéra, et l'opéra avait donné une série de représentations dans la vallée du Rhône, Carcassonne, etc. Et le garçon qui chantait Boris, qui était un artiste opéra, donc, avait demandé que ce soit moi qui fasse Chouïski. Ce qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, parce que ça m'a fait connaître tout autour de cette action. Bon, alors après, j'ai fait de l'opérette, mais je faisais également de l'opéra comique. Et puis, c'est une anecdote amusante, parce que quand il y a eu la création des Violettes impériales en France, en province, Marcel Merquès, mon beau-frère, est à ce moment-là fâché avec Vernat parce qu'il était parti au Châtelet où il chantait Annie Gadirogan, Annie de Far West. Et Vernat cherchait un baryton. Alors moi, à ce moment-là, j'étais à Reims et il était venu m'entendre dans le camp de Luxembourg. Je ne savais absolument pas que Vernat était dans la salle, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas du tout mes moyens. Et puis, à l'issue de cela, il m'a fait dire que bon, je l'intéressais pour créer les Violettes impériales à Marseille, à Lyon, d'abord à Lyon, puis après à Marseille. Et quand il a su que j'étais le beau-frère de Marcel, il dit « Mais si c'est son beau-frère, j'en veux pas, je suis fâché avec Marcel, je veux personne de la famille. » Bon, enfin, ça s'est arrangé. Et c'est à cause de cela que ma carrière a obliqué. Oui. Et obliqué en même temps d'une manière très curieuse, parce que donc j'étais à ce moment-là tout à fait spécialisé dans l'opérette, mais que presque tout de suite, j'ai fait en même temps que je chantais le premier rôle, j'ai fait la mise en scène de ces spectacles, alors des Violettes quand j'ai tourné avec, et puis après j'ai eu La Danse aux Étoiles, j'ai eu Les Amants de Venise avec lequel j'ai beaucoup tourné. Puisque c'est moi qui ai créé la nouvelle version de La Danse aux Étoiles, qui était différente de la première mouture qui avait été donnée au Mogador, et je faisais la mise en scène de tout cela, de sorte que les directeurs où je passais me connaissaient en tant que chanteur d'opérette, mais également en tant que metteur en scène. On voyait comme la vie s'imbrique curieusement. Voici le seul enregistrement que l'on possède de Gérard Boirot. L'entrée de Destillac avec Nadia dans La Veuve Joyeuse, Gérard Boirot et Roland Riffaut. Messieurs, puisque tout Paris danse, Flairter est ici ce soir. Au nom de Paris, j'en sens l'amphitryon de nos yeux noirs et qui chez nous charmant caprice de la grâce et l'ambassadrice. Ah, merci de nous fêter ainsi et d'être si belle. Oh, arrêter définitivement de chanter ? Ah bien, parce que je dois dire que de toujours, je crois que depuis l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, j'adorais monter les spectacles, les organiser. Et quand j'ai commencé à jouer, je me rends compte rétrospectivement que je devais être un vrai poison pour mes petits camarades, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de metteurs en scène, il y avait bon, quelques vagues régisseurs, de sorte que le spectacle allait un petit peu qu'à un quart, et que moi, ça, c'est une chose qui m'insupportait, alors que j'essayais d'organiser, on va faire ci, on va faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, je devais les empoisonner. Et puis, petit à petit, ce côté metteur en scène est devenu de plus en plus important. En 64, je crois, on m'a chargé, le conseil général de la scène m'avait chargé de faire les fêtes de la libération de Paris, dans le parc de Sceaux. Alors ça, c'était un truc où on se cassait la figure pour toujours, où ça marchait. Alors après, je suis parti à Avignon en tant que directeur de la scène, metteur en scène. J'ai fait les corrigies d'Orange. Et monsieur Lalande, qui était un homme extraordinaire, un homme de théâtre fabuleux, mais qui était d'une discrétion dans ses amitiés extraordinaires. Vous voyez, il ne se livrait pas, oui. Il avait toujours beaucoup de retenue. Et il s'est toujours intéressé à ma carrière sans que je le sache tellement. Et quand il a décidé de s'en aller, un jour, il m'a fait venir dans ce bureau. C'était son bureau. Mais je dois dire que j'étais assis en face, qu'il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il voulait. Et il me proposait de prendre sa place, et moi je croyais qu'il souhaitait que je vienne comme directeur de la scène, et ça ne m'intéressait pas tellement de venir comme directeur de la scène, même dans un théâtre comme celui-là. Et au bout d'un moment, il s'est mis en colère, il m'a dit, alors, vous savez, il avait une voix un petit peu comme ça, mais alors quoi, d'être assis à ma place, ça ne vous intéresse pas? Là, j'ai failli glisser sous le fauteuil. En ce qui concerne les enfants, j'ai eu une réflexion que j'ai trouvée adorable et qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais plus quelle opérette on avait donné, il y avait une générale. Et à l'issue de cette générale, c'était le premier temps que j'étais ici, j'étais dans le hall pour essayer d'écouter un petit peu les réactions. Et il y a deux petites filles qui sortent ensemble, elles avaient 11 ans, 12 ans à tout casser. Puis il y en a une très décidée qui dit à sa petite copine « Mon père n'a jamais voulu venir au théâtre. Je lui paierai sa place, mais il viendra voir ce que c'est. » C'est merveilleux. Il y a aussi l'histoire du monsieur qui vous a demandé si un abonné à l'opérette avait le droit de s'abonner à l'opéra. Oui. Hein? Alors ça aussi, c'est le cheminement, alors qui est évident. Il y a beaucoup de spectateurs qui n'osent pas aller à l'opéra, mais même des gens... de culture normale importante, mais qui ont peur de la musique. Ils ont peur de la musique. Il y a un pouvoir pédagogique de l'opérette dans la culture musicale. Évident. Et on l'a vu ce matin encore. Évident, ouais. Évident. Alors, mais à condition, je répète, que ce soit présenté avec le même souci, avec le même soin qu'un opéra. Il faut donner la qualité. Et au bout d'un moment, ces gens qui écoutent cela, qui assimilent, qui est... Bon, eh bien, ils disent, pourquoi pas aller entendre un opéra comique léger. Et ensuite, ça va déboucher jusqu'au concert. Parce que j'ai des gens, moi, que je connais bien, qui sont venus de comédie d'entreprise, qui sont venus à l'opérette, et maintenant, c'est le concert, c'est l'ensemble, c'est la musique. C'est la musique. Et c'est bien parce que je trouve qu'en France, il y a une chose épouvantable qui n'existe à peu près qu'en France. C'est l'opérette, on regarde ça avec beaucoup de condescendance, ou même on la rejette. Vous allez en Amérique, vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, c'est le même public qui va voir chaque spectacle. À Vienne. Et ils sont pas plus bêtes que nous, ces gens. Non, je ne pense pas. Et la culture musicale, on peut pas les critiquer beaucoup. Et regardez le spectacle des Zarzuela. Là, pour le même musical, j'ai fait venir la Zarzuela. Et c'était, je m'en rappelle plus, ténor qui était là. Bon, mais pendant que la Zarzuela est passée en Espagne, Domingo est allé donner des représentations dans le spectacle de Zarzuela. Il n'avait pas honte. C'est normal, c'est évident, c'est leur vie. La prochaine saison. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, il y aura 6 opérettes. Oui, 6, je pense bien. Alors, on va faire Rosemary. Ensuite, on a Ciboulette, dans une production du Grand Théâtre. Après, je refais une production de Vie parisienne. Et puis, nous avons La Belle Hélène, Mlle Nitouche. Et pour terminer, nous terminerons avec Méditerranée. Vous voyez, les deux débuts de saison qui sont un petit peu off, comme actuellement au mois de juin, nous donnons des opérettes à grand spectacle. Mmh. Et puis pour les fêtes de fin d'année, j'essaie de donner une grande opérette de grande qualité musicale et disons parfaitement classique, mais en même temps parfaitement de notre temps. Et je crois que la vie parisienne correspond parfaitement à cette image. Dans la ville, on trouve, et je crois, quelques maisons tranquilles, pleines de bons bourgeois. Ces dignes personnages ne font pas comme nous. Ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils sont fous. Et vous, et pas, et vous, et vous, et vous, et pas, et vous, et vous, et pas, et vous, et pas. Et voilà, voilà la vie parisienne du plaisir. À perte d'haleine, oui, voilà. Voilà la vie parisienne, voilà, voilà, voilà, voilà, le bonheur est là. Oui, voilà la vie parisienne, du plaisir, à perte d'haleine. Oui, voilà la vie parisienne, voilà, voilà, voilà, le bonheur est là. Des maris infidèles au bercail ramenés. Des séducs, d'un modèle bernésé, consolé. Drames et comédies, à longtemps bien que mal. Mais après, c'est folie, à la ronde générale. Et pas, et pas, oui, voilà, voilà la vie parisienne du plaisir. Qu'est-ce que c'est le chef-d'œuvre de l'opérette pour moi? Ah, j'ai des grands amours. J'ai un grand amour, c'est la chauve-souris. Ça, la chauve-souris, moi, j'ai. Alors là, chaque fois, je suis aux anges. Bon, j'ai. La vie parisienne. J'ai une tendresse pour la vie parisienne. Ben, c'est un peu le pendant. Oui, oui, hein. J'en suis à je ne sais plus combien de mises en scène de vie parisienne. Alors, vie parisienne, nous la faisons ici très à grand spectacle, mais j'ai même fait la vie parisienne en comédie musicale pour Suzanne Lafaille, que vous connaissez. Qui est bordelaise. Oui, qui est bordelaise, qui avait, avec son mari, ils avaient la compagnie de Malin d'Aléric, et ils étaient partis. Ça fait toute une tournée dans les maisons de culture, et ils avaient fait une tournée aussi dans les îles d'Amérique du Sud, je ne sais pas trop où. Ah, et oui. Ils m'avaient demandé de faire la vie parisienne, mais comme ils n'avaient pas de cœur, ils n'avaient pas de ballet. Alors, la vie parisienne, sans cœur, sans ballet, au départ, ça semble curieux. C'était épatant. C'était autre chose, mais c'était épatant. Alors j'avais fait bien sûr des trucs avec des projections, des petits panneaux que l'on rentrait en scène. Vous voyez, c'était un jeu complètement différent. Mais c'est un ouvrage qui est tellement riche qu'il ne perdait pas un centime de sa force, c'est certain. Puis alors j'adore Véronique, Ciboulette. Voilà. Tout à l'heure, on fredonnait Bocas. J'aime beaucoup Bocas, qui se joue peu. C'est un ouvrage difficile à monter, mais il y a des moments extraordinaires dans Bocas. Gabriel Baquier avait enregistré pour une émission précédente cet air de Bocas. Le voici donc avec ses bouteilles de Bordeaux. Ces caves sont mon empire, les flacons sont mes sujets, des sujets, je puis le dire, délicieux et parfaits. Tra-la-la-la, tra-derri-dera. Pour bien remplir mon office, j'ai goûté de tous les vins, et dois en bonne justice déclarer qu'ils sont divins. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Du jeu de la treille, je suis amoureux, vive la bouteille et les jolis yeux. Du jeu de la treille, je suis amoureux, vive la bouteille. Rage-moi, je le proclame, je ne suis pas très galant et je conviens que ma femme me suffit très amplement. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. Mais vrai Dieu, j'ai le vin tendre quand j'ai pu ses différents. Comme le grand Alexandre, je deviens un conquérant. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Le jus de la treille me rend amoureux. Vive la bouteille et les jolis yeux. Le jus de la treille me rend amoureux. Vive la bouteille. Merci Gabriel Baquier et Anne-Marie Fontaine. Et maintenant, disons au revoir à Gérard Boirot avec le final de son spectacle messager qui est celui de Coup de roulis. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 7 août 1986.